suis pas capella, rescapé du quart de siècle. Ex-poète a capella, j'ai tout fait pour m'échapper de là. Schizophrène et maniaque, mon reflet cherche à m'effrayer, mais rien ne peut réfréner maniaque. Concurrence interne, l'époque où je voulais vaincre est lointaine. Aucune compète avec un tel ou un tel. Contrôler mes ambitions se révèle rarement simple. J'ai les yeux plus gros que le ventre d'une femme enceinte. Un penchant solitaire depuis l'âge des Tamagotchi. J'avais qu'un seul pote à ma droite et zéro pote à ma gauche. Chi, cause dissipée, mais je voulais pas trop ses pères. Dur de rester sourd au jugement permanent de ses pairs. Alors je me suis laissé faire, et dans un premier temps j'ai suivi la règle de base, ne jamais rien tenter de compromettant. Séduit par ce bel avenir qu'on promettait, la vérité c'est qu'aujourd'hui je me sens comme Prométhée. Le supplice est quotidien, mes neurones s'ennuient ferme. Une vie de somnambule atténuée par les somnifères. Je veux pas faire la fête, je veux juste faire l'affaire. Comment lutter dans un monde où ce qui diffère la ferme? Se mettre à l'envers, c'est pas se mettre en valeur. Si je reste à l'arrêt, crois-moi, c'est la mort avant l'heure. Personne le voit, mais c'est l'enfer ici. J'ai plus la patience d'attendre en vain que des pseudo-chefs me félicitent. Dans cette sphère, aucun challenge à ma taille. Ils veulent tous être leaders, moi j'aimerais mener mes propres batailles. Loin d'être imbattable, esprit limité par les absences. Mais j'oublie mes carences dès que je passe à table. Exigence insatiable, créatif, presque hyperactif. C'est même impératif pour que ma paix soit stable. Je me donne avant de finir à l'hospice. J'aime pas danser, mais si je me bouge, c'est que je suis sur la bonne piste. Faut que je bosse dur, à l'abri des impostures. Pas le temps pour l'inaction, je m'impatiente lorsque la pause dure. Peu d'alternatives à part monter les marches, quitte à me lever seul. Je veux plus qu'on me paye à laver la vaisselle. Mes rêves me sauvent, hors de question que le doute les dévore. Je veux sauter de classe, donc je vais redoubler d'efforts. La montagne est terrifiante, mais j'irai gravir ses versants. Mes émotions contrôlent mes actions comme dans vice versa. Pour garder la foi, je m'inspire des vieux parchemins. La vie, un territoire qu'on parcourt chemin par chemin. J'agis sur terre comme si je partais demain, même s'il n'y a pas de témoin. Je me bats parce que rien n'est à portée de main. Mon cœur est croyant, ça m'empêche d'être amorphe. On manque de preuves, mais je pense qu'il y a bien une vie avant la mort. Et tant pis si la route est moins tranquille qu'on ne l'imagine. Le mode sans échec n'existe que pour les machines. Je ne vise ni le bronze, ni l'argent, ni l'or. Ils ont des tas d'idées reçues, mais moi je regarde seulement l'horizon. Si je rentre dans l'histoire, j'estime que j'aurais bien assuré. Mes chaussures ne brillent pas, je t'avoue que j'en ai rien à cirer. Pour l'heure j'ai peu d'écho, pourtant je sais que mes mots résonnent. J'écris pour que tous les adultes et les marmots résonnent. Derrière moi je laisserai des indices clairs. J'ai toujours préféré les rayons du soleil à ceux des disquaires. Tempérament discret, conviction matraquée. Je connais si bien la peur, à chaque étape elle m'a traqué. Mais dis-moi qui peut m'attaquer. Faut que je tienne la barre. Je mène ma barque et j'ai pas l'intention de la mettre à quai. Je commence à voir de la lumière au bout de ce long tunnel. Crois pas que tu m'importunes, je me sens fortune et quand je t'apporte une aide. Pour un peu d'attention, certains s'empressent de faire la manche. Désolé, moi j'aimerais procéder différemment. J'étais à la dépression, je serais l'anticyclone. Conscient d'avoir quelque chose à tenter quand j'entends chanter ces clones. Et j'y crois toujours fort, même si rien n'est trop limpide. Mentalité de guerrier comme un athlète olympique. Quoi qu'il arrive, la flamme sera présente au RDV. J'écouterai jamais ceux qui voudraient m'empêcher de rêver. Me tirer vers le haut, c'est ça mon ikigai. J'encaisserai les coups tant que c'est l'harmonie qui gagne.